La délégation chinoise conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères Liu Jianmin est arrivée le 24 courant par vol à Pyongyang pour participer à la troisième réunion du comité commun des frontières coréen-chinoise. Elle a déposé le même jour une corbeille de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansung et rendu hommage.